J'avais pour toi et le temps que je nous ai consacré, au détriment même de ma santé, tu l'as broyé. Je ne changerai pas, il paraît qu'à notre âge on ne change pas. Notre histoire ensemble est terminée.